escargot tout chaud, escargot tout beau, escargot tout gros, escargot ICO. Tu peux pas tout manger, t'as pas de dents, sinon ça va casser. Escargot tout chaud, escargot tout beau, escargot tout grand, escargot ICO. Fais gaffe, l'escargot, y'a des produits. Va venir marteau, attends la pluie. Escargot tout chaud, escargot tout beau, escargot tout gros, escargot ICO. Un jour tu finiras comme tes copains.